طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, c'est le cours numéro 3 dans l'explication du livre Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya fi Naqd al-Fatawa al-Jama'iyya bi anna al-Asha'ira min al-Firqat al-Murdiyya. Donc, c'est le premier chapitre maintenant qu'on va lire. Al-Fasl al-Awwal. Al-Ulama al-Ladhina qarraru bi anna al-Asha'ira mubtadi'a min al-Firq al-Halika. Premier chapitre de ce livre, ça parle des ulama qui ont affirmé et qui ont établi que les Asha'ira sont des gens de bid'ah, sont des mubtadi'ah, et qu'ils font partie des groupes qui sont parmi les 72 sectes qui vont en enfer et qui méritent l'enfer. Et donc, on va mentionner plusieurs des citations de plusieurs ulama qui affirment ce fait-là, parce que il y a plusieurs ulama à l'époque avant Abu al-Hassan al-Ash'ari qui ont parlé de ça, puis après lui aussi, qui ont critiqué ceux qui ont adopté la position de Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. Okay. Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab al-Basri, il est mort en 243. Okay. Donc c'est lui en réalité qui est le vrai, le vrai imam fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les Asha'ira. Parce que, comme on a expliqué, l'imam Abu Hassan al-Ash'ari est revenu à la Sunna et à la Aqida de l'imam Ahmed avant de mourir. Quand il a écrit Al-Ibana, il a expliqué qu'il a pris cette position. Donc, on ne peut pas dire que les gens qui prétendent suivre Abu Hassan al-Ash'ari aujourd'hui et qui ont la Aqida de Abu Muhammad ibn Kullab, on ne peut pas dire qu'ils sont réellement des Asha'ira, parce que Abu al-Hassan al-Ash'ari lui-même s'est désavoué de la Aqida de Ibn Kullab. Donc, dans ce sens-là, ils sont plutôt des Kullabiyyah. Okay? C'est comme, par exemple, aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, alors qu'en réalité, la Aqida n'a rien à voir avec la Aqida de Isa, alayhi salam. D'accord? Donc, c'est un peu dans ce genre-là, tu vois. Sauf que ce sont des musulmans, on ne dit pas que ce sont des koufars, on dit que ce sont des musulmans, toutefois ils sont des mubtadi'ah. Donc on va aller plusieurs citations, on va commencer par ce que le cheikh a mentionné comme l'imam Ahmad ibn Hanbal. Okay. Le cheikh dit « قَدْ نَصَّ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْأَشَاعِرَ مُبْتَدِعَةٌ وَمَعْنَى هَذَا أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَكُونُونَ مِنَ الْفِرَقِ النَّاجِيَةِ donc le cheikh dit, il y a plusieurs ulama qui ont mentionné que les Asha'ira sont des mubtadi'a, qu'ils ne font pas partie des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, et donc ils ne font pas partie du groupe sauvé et du groupe victorieux. Parce que qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui les Asha'ira? Ils ne disent pas qu'ils font partie de Ahl Sunnati wal Jama'a, ils disent qu'ils sont eux Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est ce qu'ils disent. Donc, ça suffit pas pour eux de prétendre faire partie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Exactement. Donc, ils se prétendent disons, ils prétendent que ce titre-là leur appartient à eux exclusivement avec les Maturidiyya. Donc ils disent Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, ce sont les Asha'ira et les Maturidiyya. Donc ils disent pas seulement qu'ils font partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, mais ils disent que ce sont eux Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah. Alors ça, c'est le grand mensonge de leur part. Et on va prouver maintenant avec les citations des ulama que ce qu'ils prétendent est faux. Déjà, on a montré ça dans les cours passés, que la aqidah des salaf est différente de leur aqidah, hein, et on a montré l'historique de l'imam Hassan al-Ash'ari et tout ça, pour montrer que leur prétention est fausse, mais au fur et à mesure du livre, ça va juste confirmer et raffermer cette position-là, et clarifier cette situation-là, qu'ils ne font, et non seulement, ils ne sont pas Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, mais en plus ils ne font pas partie de Ahl al-Sunnah wal-Jama'ah, ils sont parmi les gens de Ahl al-Bid'ah, Ahl al-Ahwa. D'accord. Donc l'imam Ahmad est né en 164 Hijri et il est mort en 241 Hijri. D'accord. Et le cheikh il mentionne des paroles ou des positions qui montrent les positions de l'imam Ahmad ibn Hanbal. En 164 donc وقال الإمام أحمد بن حنبل في درء تعارض العقل والنقل أما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب ولهذا أمر أحمد بهجره وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه وفي الفتاوى والإمام أحمد وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن كلاب ويحذرون عن أصحابه وهذا هو سبب تحذير الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي ونحوه من الكلابية. Donc la première citation, en fait le cheikh dit que l'imam Ahmad il a déclaré les Kullabiyya comme étant des Mubtadi'ah et il a été très dur envers eux. Et comme on a expliqué déjà, les Kullabiyya c'est eux qui ont été les premiers Asha'ira, c'est eux qui ont fondé ou qui ont établi, disons, la position de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari après qu'il quitte les Mu'tazila. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il mentionne dans son livre « Dar' al-Ta'arud bayn al-Aql wa al-Naql », le volume 2, la page 6, il dit « En ce qui concerne al-Harith al-Muhasibi, Al-Harith al-Muhasibi, c'était un soufi et c'était un kullabi. Il avait des positions de Abu Muhammad Abdullah ibn Kullab. Donc, il supportait certaines de ses positions dans la aqidah et il appartenait à sa tendance. Alors, l'imam Ahmed a été très dur envers lui et il a ordonné aux gens de faire le hajr, c'est-à-dire de s'écarter de lui et de le boycotter, de ne plus lui parler, de ne plus lui adresser la parole, et de ne même plus prendre des hadiths de lui, d'accord. Et l'imam Ahmad, il avertissait tout le monde contre la position de Ibn Kullab et de ceux qui le suivent. Donc ça, c'est une déclaration qui montre que les gens qui ont suivi la position de Ibn Kullab, peu importe qu'ils se disent Asha'ira ou Kullabiyya, ils rentrent dans cet avertissement-là et dans cet avenir de l'imam Ahmed. Et ensuite il dit, dans Majmou' al-Fatawa, le volume 12, page 368, il dit que l'imam Ahmed ainsi que d'autres parmi les imams de la Sunnah avertissaient contre ce fondement qui a été inventé et innové par Ibn Kullab, et ils avertissaient contre les gens qui l'ont suivi, contre ses élèves. Et ça, c'est ça la raison pourquoi l'imam Ahmad a averti contre al-Harith al-Muhasibi et d'autres comme lui parmi les Kullabiyya. Okay? Donc, on voit que la position de l'imam Ahmad a été ferme par rapport à des gens comme Ibn Kulab et Al-Harith Al-Muhasibi. Et ça, ça implique les gens qui se disent Asha'ira aujourd'hui et qui suivent la même voie que Ibn Kulab, qui affirment certains attributs et qui nient d'autres. Ok? Ça, c'est la voie de Al-Kulabiyya, et donc ça prouve que l'imam Ahmad les considérait comme étant des Mubtadi'a. قال في كتاب الاستقامة الإمام ابن تيمية السد dans son livre الاستقامة et الاستقامة en passant c'est un livre de رد c'est un livre de رد على القشيري parce que l'imam القشيري c'est un des imams des أشاعرة et القشيري c'est l'imam d'une des grosses têtes des أشاعرة en fait ابن فورك ابن فورك c'est un des imams des Asha'ira, et donc Al-Qushayri était son élève, il est un soufi, et il est un yani, Ash'ari en même temps, ou Kullabi. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Ar-Risala, et dans ce livre-là, Ar-Risala, il défend des idées de Bid'a en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il défend aussi At-Tasawwuf, et toutes sortes de bid'a, des soufiyas. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a réfuté cette risala de Al-Qushayri, et il a écrit ce livre qui s'appelle Al-Istiqama. Et Al-Istiqama, il est publié maintenant, il est en deux volumes, et c'est un livre vraiment intéressant, vraiment, mashallah, il y a beaucoup de ilm dedans. Et en ce qui concerne la position, le livre qu'il a mentionné le premier, Dar al-Ta'arud bayna al-Aqli wal-Naql, alaykum salam wa rahmatullah, ça c'est un des plus grands livres de Ibn Taymiyyah, sinon c'est le plus grand livre de Ibn Taymiyyah. Il réfute dans ce livre les positions des Asha'ira, des philosophes, et il détruit le principe des gens de Bid'a qui disent que on doit placer la raison au-dessus de la révélation. Donc ce livre-là, ça s'appelle Dar al-Ta'arud bayna al-Aqli wal-Naql. Et donc, ça c'est un livre très important. Donc il dit dans ce livre, وَالْكُلَّبِيَّ هُمْ مَشَيْخَ الْأَشَاعِرَةَ وَالْأَشْعَرِيَّةَ فَإِنَّ أَبَا الْحَسَنَ الْأَشْعَرِي إِنَّمَا اقْتَدَى بِطَرِيقَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ إِبْنُ كُلَّابٍ وَابْنُ كُلَّابٍ كَانَ أَقْرَبُ إِلَى السَّلَفِ زَمَنًا وَطَرِيقَةً وَقَدْ جَمَعَ أَبُو بَكْرٍ إِبْنُ فُورَكَ شَيْخَ الْكُشَيْرِ كَلَامَ إِبْنُ كُلَّابٍ وَالْأَشْعَرِي وَبَيَّنَ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْأُصُولِ ولكن لم يكن كلام أبي عبد الرحمن السلمي قد انتشر بعد فإنه انتشر في أثناء المئة الرابعة لما ظهرت كتب القاضي أبي بكر ابن الباقلاني ابن الباقلاني ونحوه donc le cheikh il dit que oui, dans son livre, il dit que Al-Kullabiyya, les gens qui ont suivi Ibn Kullab, sont les shuyukh de Al-Ash'ariyya. Et Abu al-Hasan Al-Ash'ari a suivi la voie de Abu Muhammad Ibn Kullab, et Ibn Kullab était plus près de l'époque des salafs dans le temps et dans la voie qu'il suivait. C'est-à-dire, il était beaucoup plus près de la voie des salafs que ceux qui sont venus après lui. D'accord, parce qu'il affirmait des attributs que plusieurs qui sont venus après lui ont rejetés par la suite et ont nié. D'accord, donc il était mieux qu'eux, toutefois il était quand même dans l'égarement sur les principes qu'il avait amenés. Et le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah il dit dans le livre Al-Istiqama que Abu Bakr ibn Furak, c'est lui dont je parlais tout à l'heure, qui est le cheikh de Al-Qushayri, il a rassemblé toutes les paroles ou les positions de Ibn Kullab et les paroles de Al-Ash'ari et il a mentionné les points dans lesquels ils étaient d'accord, les points sur lesquels ils étaient d'accord dans les fondements de leur aqida, pour montrer qu'il y avait vraiment des ressemblances entre les deux et des points qui étaient en accord entre les deux. Mais à cette époque-là, il dit wa lam yakun kalam Abi Abdurrahman As-Sulami qad intashara ba'd. Les paroles d'Abu Abdurrahman al-Sulami n'étaient pas encore répandues à cette époque-là, elles se sont uniquement répandues après le IVe siècle. lorsque les livres de Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Baqilani se sont répandus, ainsi que les livres de ce genre-là. Parce que Al-Qadi Abu Bakr ibn al-Baqilani, c'est un des chefs aussi et une des têtes des Ash'ara. C'est lui qui a fait vraiment avancer ou propager le madhab al-Kullabi. D'accord? Après, il mentionne encore d'autres citations. Il dit, qala, كما قال في الفتاوى, أما قوله قوم ونحوا إلى أنه أي القرآن قديم لا صوت ولا حرف إلا معنى قائم بذات الله وهم الأشعرية هذا صحيح ولكن ولكن هذا القول أول من قاله في الإسلام عبد الله بن كلاب فإن السلف والأئمة كانوا يثبتون لله تعالى ما يقوم به من الصفات والأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته والجهمية تنكر هذا وهذا فوافق ابن كلاب السلف على القول بقيام الصفات القديمة وأنكر أن يقوم به شيء يتعلق بمشيئته وقدرته وجاء أبو الحسن بعده وكان تلميذا لأبي علي الجبائي المعتزلي ثم إنه رجع عن مقالة المعتزلة وبين تناقضهم في مواضع كثيرة وبالغ في مخالفتهم في مسائل القدر والإيمان والوعد والوعيد حتى نسبوه بذلك إلى قول المرجئة والجبرية والواقفة وسلك في الصفات طريقة ابن كلاب وهذا القول في القرآن هو قول ابن كلاب في الأصل وهو قول من اتبعه كالأشعري وغيره donc يعني le cheikh il mentionne donc un petit détail ou des explications au sujet de la position de Abu al-Hasan al-Ash'ari et de al-Ash'ariya et de Ibn Kullab, c'est un résumé. Il mentionne en premier leur position par rapport au Coran. Okay? Il dit que il y a des gens qui sont allés dans cette voie à propos du Coran, qui disent qu'il est qadim, c'est-à-dire qu'il est éternel, il n'a pas eu de début, le Coran. Bila saut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de. Eux, ils ne croient pas que Allah parle avec une voix. Wala harf, ils ne croient pas que Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est composée de lettres. D'accord? Donc, ça, pas de voix, pas de lettres. Illa ma'nan qa'imun bidatillah. C'est seulement une signification ou un sens qui se tient en Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ou bien ibara. Donc, pour eux, le Coran qu'on a aujourd'hui, qui est dans le mushaf, qu'on récite, hein, quand on le lit dans la prière, ou quand on le récite dans le mushaf, pour eux, ça, c'est pas la parole d'Allah. Hein? Oui, ça c'est pas la parole d'Allah. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, c'est la parole qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, une signification. Hein? C'est pas, ça n'a pas de lettres et ça n'a pas de voix. Ça n'a pas de voix. Donc c'est comme ça. Donc cette parole-là, c'est une bid'a en partant. C'est pas la position des salaf salih. Le cheikh il dit que ça c'est la parole, la position des ash'ariyah. Il dit ça c'est vrai que c'est la position des ash'ariyah. Toutefois, la première personne qui a inventé cette position-là, ou qui a amené cette idée-là, c'est Abdullah ibn Kullab, Abu Muhammad Abdullah ibn Kullab. Parce que les salafs et les imams des salafs, ils affirmaient à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il a comme attributs et comme actions qui sont reliées à sa volonté et à sa puissance. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il parle et l'attribut qu'il a de la parole, elle est reliée à sa volonté et à sa puissance, dans le sens qu'il il parle quand il veut, hein, il parle quand il veut et il a la capacité de parler. Mais les Jahmiyyah, ils nient ça, hein, ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui font partie de son être, et les attributs qui ont rapport à ses actions. Okay? Les Jahmiyyah, ils nient tout ce qui a rapport avec les attributs d'Allah, que ce soit dans son être, les attributs de, qui font partie de lui, ou bien les attributs de ses actions, comme par exemple la parole, al-istiwa, al-nuzul, al-khalq, des choses comme ça. Ça, c'est des attributs qui ont rapport avec avec al-af'al, hein, et il les fait selon sa volonté et sa capacité. Tandis que al-jahmiya, eux, ils nient ces choses-là, ils nient les actions et ils nient les attributs comme al-yad, wal-ayn, wal-qudra, wal-irada et des choses de ce genre. Ils nient tous les attributs d'Allah. Mais le cheikh dit, Ibn Kulab, il a pris une position pour, qui est en accord d'un point de vue avec les salafs, dans le sens qu'ils ont affirmé les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala comme la vue, l'ouïe, la connaissance, l'irada, l'hikma, le kalam, des choses comme ça. Toutefois, ils ont nié les attributs qui ont rapport avec ses actions et qui sont faits par sa volonté et sa puissance. D'accord? Donc, ils ont essayé de prendre une position entre les deux. Une position qui va satisfaire les salafs, puis satisfaire les jahmiyyah en même temps. Et ça, c'est, bien entendu, c'est contradictoire. La al-kullabiyya, ينكرون الأفعال أفعال الله سبحانه وتعالى لا يثبتونها بوف كم الاستواء والنزول هذا شو بس يا جماعة فسأعرفه ذاك les actions. OK, le chef est depuis Abu al-Hasan al-Ash'ari, il est venu après et il était l'élève de Abu Ali al-Jabba'i al-Mu'tazili, c'était son élève. Puis ensuite, il a quitté la position des Mu'tazila et il a affirmé et montré leur contradiction sur plusieurs points. Il a tellement voulu les contredire que parfois il est allé dans l'autre extrême, dans la contradiction. Comme par exemple dans Al-Qadr. Les Mu'tazila nient Al-Qadr. D'accord? Lui, Abu al-Hasan al-Ash'ari, est allé dans l'autre extrême. Il a tellement affirmé qu'il est allé proche de la position des Jabriyyah, qu'on n'a plus de volonté, on n'a plus de capacité de volonté, on est comme une fleur dans, une feuille dans le vent, une feuille, une plume. Et en effet, c'est autre chose. Et eux, c'est comme une plume qui flotte dans l'air. Et donc, en ce qui concerne, qu'est-ce que tu mentionnes, Moussaïr ou Moukhaïr, à cette question-là, les salafs, ils ont dit « la musayyir ou la mukhayyir ». Ça, c'est la vraie position. Fihi tafsil. Il faut détailler la réponse à ce sujet-là. C'est-à-dire, musayyir, c'est-à-dire, on n'a plus de volonté, on est comme une plume dans l'air. Ou mukhayyir, c'est-à-dire, on est libre, on a une liberté, un choix. Et c'est ni un ni l'autre. C'est-à-dire, on a une liberté, mais elle est limitée. Puis, on n'est pas contraint non plus complètement ou forcé de faire ce qu'on fait, hein. Mais quand même, disons, on a une volonté, mais elle est limitée par la volonté d'Allah. Et on a une capacité, mais elle est limitée par la capacité et la force d'Allah, et la puissance d'Allah. Donc, ça c'est à ce sujet-là. Toutefois, on ne veut pas rentrer dans les détails de ça, c'était juste pour mentionner les points sur lesquels il a exagéré dans l'autre sens, comme al-Iman. Donc la position des Mu'tazida dans l'Iman, lui il est allé dans l'autre sens, il est allé vers la position des Murji'a, et la position des de al-Wa'd wal-Wa'id et al-Iman s'est relié ensemble aussi, en ce qui concerne qu'est-ce qui va arriver avec les mu'minins dans l'Akhirah. Donc, il a voulu contredire les Mu'tazila et il est allé dans l'autre extrême complètement. Donc, on l'a attribué au Murji'a et au Jabriya et au Waqifa à cause de ça. D'accord? Et ça, c'est souvent ça qui arrive quand quelqu'un ne se base pas sur un manhaj clair et sur une position des salaf. Il veut réfuter une bid'ah, il va dans l'autre extrême, de l'autre bid'ah. Hein? Parce qu'il n'a pas de base. C'est ça ce qui est arrivé avec Abu al-Hasan al-Ash'ari au début. qui voulait réfuter les Mu'tazila, mais il ne connaît pas assez bien la Sunna. Il ne connaît pas assez bien non plus la position des Salaf Saleh. Parce que la grande majorité des arguments des Mu'tazila est basée sur la raison, des raisonnements rationnels. Il n'y a pas d'adillah, ça ne se base pas sur des preuves des nusus de la charia. Donc, pour eux, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour étudier la charia, puis étudier le Coran et la Sunna. C'est pour ça qu'il a eu de la difficulté par la suite à affirmer ou à réfuter les Mu'tazila d'une façon correcte. Donc il a emprunté la voie des Jabriya et des Murji'a dans les questions de Al-Qadar et Al-Iman, puis dans la question des Sifat, il a pris la voie de Ibn Kullab, et il a cru que c'était la position des Salaf, hein, alors que c'était pas ça. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette erreur au sujet du Coran aujourd'hui. Et quand vous lisez dans le livre des Asha'ira aujourd'hui, quand il parle du Coran et de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent que la parole qu'ils lisent dans le mushaf, c'est créé, makhlouq, hein, hadith. Mais ils disent que qu'est-ce qui est la parole d'Allah qui n'est pas créée, c'est la parole qui est en Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qui est bizarre, c'est que eux, qu'est-ce qu'ils font les Asha'ira, ils affirment certains attributs, puis ils affirment comme attribut la négation de leur opposé, hein. Comme si par exemple, ils affirment l'ilm, ils affirment la connaissance, puis ils disent, et aussi on affirme l'opposé, c'est-à-dire Adam al-Jahl. D'accord, ça c'est vrai, tout attribut infirme la négation de son opposé. D'accord, toutefois, quand il parle de Al-Kalam, quand il lit l'opposé de Al-Kalam, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Adam al-Sukut al-Nafsi. Parce que pour eux, Al-Kalam, c'est Al-Kalam al-Nafsi. C'est la parole intérieure. Donc, quand ils veulent nier la parole, l'attribut de la parole, ou dire qu'ils affirment la négation du contraire de la parole, ils affirment pas, disons, ils disent pas, par exemple, d'être muet. On nie que Allah est muet ou qu'il parle pas. Ils disent, on nie qu'il a pas de qu'il a pas la parole intérieure, comme si al-sukut al-nafsi, on nie qu'il se taise intérieurement, ou bien al-bukm al-nafsi, c'est-à-dire le muet, je sais pas le mot, le comment, oui, c'est ça, puisque pour eux la parole extérieure elle est créée, elle n'existe pas, c'est-à-dire elle est créée, c'est pas la parole d'Allah, la parole d'Allah qu'ils affirment c'est uniquement la parole qui est à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'on entend quand on entend la récitation du Coran pour eux? Ça, c'est pas la parole d'Allah. Donc, ils ont rejoint la position des Mu'tazila qui nie la parole d'Allah. Les Mu'tazila, ils disent, Allah, il ne parle pas. Il ne parle pas. Et qu'est-ce qu'on entend? Ça, c'est créé. Il dit, Al-Qur'an makhlouq. C'est pour ça qu'ils disent ça. Donc, les Mu'tazila, ils disent, les Asha'ira, ils disent, oui, on affirme la parole, mais la parole qu'on affirme à Allah, c'est la parole qui est éternelle, qui est une seule parole qui est éternelle en Allah, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Et elle est, à l'intérieur d'Allah. Tandis que, la parole, qu'est-ce qu'on dit quand on est l'opposé, c'est al-sukut al-nafsi, ou al-bukm al-nafsi. C'est-à-dire le silence intérieur, ou le muetisme intérieur. Hein. Et ça c'est absurde parce que déjà, comme les ulama ont expliqué, la parole, si on ne l'entend pas, ça ne s'appelle pas parole. Hein. Et eux, ils se basent sur une poésie de Al-Akhtal, à ce sujet-là, qui est un poète, c'est un poète chrétien qui dit, « Ala inna al-kalam ala fil fu'adi wa inna ma ju'ila al-lisanu ala ma fil fu'adi dalila » ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, « Al-kalam fil fu'ad wa inna ma ju'ila al-lisanu » كدليل على ما في الفؤاد. Il se base sur ce poème-là, et ça c'est une poésie d'un chrétien qui s'appelait Al-Akhtal, et ils essaient de rejeter les preuves du Coran et de la Sunna en se basant sur cette poésie-là. Et c'est-à-dire ils disent, ne dites pas aux gens cette chose-là, on le dit juste quand on donne les cours à des élèves. Mais en dehors du contexte de l'étude et de l'enseignement, on dit que le Coran c'est pas makhlouq. Il y a le Coran غير makhlouq. Tu comprends? Mais quand, ça c'est juste quand ils enseignent, les gens ils disent oui, il est makhlouq, mais il faut pas le dire. Parce que quand ils disent que le Coran غير makhlouq, ils parlent pas du Coran qu'on écoute et qu'on récite. Ils parlent du Coran soi-disant qui est à l'intérieur d'Allah, qui fait partie de son être, qui est une attribut infinie, selon eux. Tandis que, quand ils parlent, quand ils disent dans leur durus, avec leurs élèves, quand ils étudient leur aqidah, en privé, ils disent le Coran makhlouq. Et ça, si vous voulez, je vais vous ramener même le livre, leur livre de l'explication de Jawharat al-Tawhid, et vous allez voir, ils le disent clairement. Hein? Donc, ça c'est à ce sujet-là. Ensuite, il dit, وقال, وقال كما في الفتاوى كالكلابية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم. الإمام ابن تيمية il dit dans le volume 17 à la page 149, الكلابية et ceux qui les ont suivis parmi les أشعرية et les autres. Donc ça c'est des preuves qui montrent la position de l'imam Ahmed, et pour les autres citations c'est pour confirmer que les Asha'ira ont suivi les Kullabiyya et non pas les imams des Salaf et l'Aqida des Salaf. Après il dit waqala al-imam Abu Bakr ibn Khuzaymah, hein, Cheikh al-Islam ibn Khuzaymah, كما في سير أعلام النبلاء لما قال له أبو علي الثقفي ما الذي أنكرت أيها الأستاذ من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ قال ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره. Donc le cheikh, l'imam, cheikh al-Islam, Abu Bakr ibn Khuzayma, il s'est mentionné qu'il a dit dans Sir Alam al-Nubala, le volume 14, la page 380, lorsque Abu Ali al-Thaqafi lui a dit, qu'est-ce que tu nous critiques, yani, de quoi, à quel sujet tu nous critiques de notre position ou de nos croyances pour qu'on puisse les quitter et revenir au droit chemin? Il a dit, on vous critique ou on vous blâme du fait que vous penchez vers la position de Al-Kullabiyya, hein, des Kullabiyya. Et l'imam Ahmed ibn Hanbal était parmi les plus durs contre Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab et les gens qui l'ont suivi comme Al-Harith al-Muhasibi et d'autres. Donc, il mentionne, l'imam ibn Khuzayma, que l'imam Ahmed était parmi les plus durs contre ces catégories de gens-là, contre Al-Kullabiyya et Al-Harith al-Muhasibi, parce qu'il a suivi justement Ibn Kullab et les gens de Ahlul Kalam. Parce que tous ces gens-là, Al-Kullab et Al-Harith al-Muhasibi, c'est des gens qui sont rentrés dans Ibn Kalam. Et c'est pour ça que l'imam Ahmed a averti contre lui et contre ces gens-là. Toute personne qui rentrait dans Ibn Kalam, l'imam Ahmed avertissait contre lui et les considérait comme des gens de bid'a. D'accord? Le cheikh dit, كيف لو أدرك من جاء بعدهم من الأشاعرة الذين ازدادوا سوءا إلى أشعرية زماننا الذين تميع فيهم هؤلاء المفتون وطار بفتواهم إذاعة ونشرا موقع الإسلام اليوم تحت نظر ورعاية من مشرف وتحت نظر ورعاية من مشرفه سلمان العودة فإن الأشاعرة كلما تأخروا زادوا بعدا عن السنة. Le cheikh il dit, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, l'imam Ahmad et l'imam Ibn Khuzayma et Ibn Taymiyyah et les autres, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui après que les Asha'ira ont augmenté en mal et en égarement par rapport aux Asha'ira de l'époque, hein, et par rapport à Ibn Kullab et les autres, ils se sont égarés de plus en plus de la voie des premiers Asha'ira. Parce que les premiers parmi les Asha'ira, ils affirmaient certains attributs, puis ceux qui sont venus par la suite, ils ont mélangé à ce manhaj des idées de philosophie et des principes d'Ibn Kalam et même des principes des Mu'tazila. Ils ont mélangé ça à la voie de Al-Kullabiyya. Donc, ils sont devenus plus dangereux et plus égarés que les premiers Ash'ara. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'il dirait s'il verrait les Ash'ara d'aujourd'hui et ceux qui, disons, essaient de les défendre et de prendre leur côté aujourd'hui avec leur fatwa qu'ils transmettent partout, comme dans le site Al-Islam Al-Yawm, Islam Today, hein, le site qui est sous la surveillance de Salman Al-Awda. Et en passant, il a même une traduction dans son site en anglais. Et donc, il y a beaucoup de monde qui font référence à ce site-là, non seulement en arabe, mais aussi même en anglais. Et c'est Salman Al-Awda qui est en charge de se surveiller de ce site-là. Donc, il dit, donc les Ash'ara, plus ils s'éloignent de la sunna, plus ils augmentent en éloignement par rapport à la sunna. كلما تأخروا زادوا بعدا عن السنة. الشيخ قال الإمام ابن تيمية في شرح الأصفهانية: فإن كثيرا من متأخري أصحاب الأشعري خرجوا عن قوله إلى قول المعتزلة أو الجهمية أو الفلاسفة. الشيخ ابن تيمية إلى ذي العقيدة الأصفهانية c'est un des livres qu'il a écrit dans lequel il a fait l'explication d'une aqida qu'ils appellent al-Asfahaniya. Et cette aqida, c'est pas une aqida qui est salafia. C'est une aqida ash'ariya et qui est basée sur ilm al-kalam. Toutefois, quelqu'un lui a demandé de l'expliquer. Et donc, Ibn Taymiyyah a fait l'explication de cette aqida. Et il a dit dans l'introduction au début, il dit, je vais faire l'explication de cette aqida. Toutefois, je suis obligé de sortir des intentions ou des buts de ceux qui l'ont écrit. Parce que ceux qui l'ont écrit, ils l'ont écrit dans l'intention de déformer et de nier l'essence des attributs. Toutefois, lui, Ibn Taymiyyah, il l'explique en montrant la fausseté de ses principes. Hein. Donc, c'est comme si quelqu'un aujourd'hui prendrait un livre qui contient ou qui défend une aqida qui est contraire à la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a et qui l'expliquait aux gens. Donc, en l'expliquant, il montre les erreurs et les faussetés qu'il y a dedans. Et c'est ça le bien de ce livre, c'est que en même temps, tu peux comprendre la position d'Ibn Taymiyyah et des ulama d'Ahlus Sunnah vis-à-vis de cette aqida. D'accord? Donc, il a dit dans cette aqida, plusieurs parmi les gens qui sont venus après Abu al-Hassan al-Ash'ari sont sortis de sa position, ils ont pris la position des Mu'tazila ou des Jahmiya ou des philosophes. Hein? Donc, plusieurs parmi les élèves et des gens qui ont suivi al-Ash'ari par la suite, qui prétendent le suivre, eh bien, ils ont quitté sa position, ils sont devenus soit Mu'tazila, soit Jahmiya ou Falasifa, des philosophes. Et ils s'en aperçoivent même pas. Certains d'entre eux, ils n'ont même pas réalisé ça. Parce que beaucoup d'entre eux, ils ignorent réellement la position des Mu'tazila et la position des Jahmiya. Okay? Et si tu lis certains livres comme Ar-Razi ou d'autres, et bien vous voyez vraiment la philosophie là-dedans et la position des Mu'tazila, elle est claire. C'est comme certains, comme par exemple, je pense que c'est An-Nasafi. An-Nasafi. Il a une aqida. C'est lui ou bien si c'est. En tout cas, il y a une aqida qu'il enseigne. Al-Bayjouri, il a fait le charh de cette aqida. C'est quoi? C'est. Hashiyat al-Bayjouri ala al-Sannousiya. Al-Aqida al-Sannousiya, il l'appelle. Et dans cette aqida-là, ils disent, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, munazzahun an al-jihad. Ça, c'est dans la plupart des livres d'aqida de ces gens-là, vous trouvez ça. Munazzahun an al-jihad. C'est-à-dire, ils n'affirment pas à Allah subhanahu wa ta'ala aucune direction. parmi les directions. Donc, ils disent, Allah laysa fawq, wa la taht, wa la an yamin, wa la an shimal. ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم. Donc ça c'est comment ils décrivent Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, donc ils veulent nier par ça l'attribut d'Allah dans le Coran, qu'il est Al-Ali, qu'il sifat al-ulu, wa annahu fawq, لأن الله تعالى يقول وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم إني أسي الاستواء الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش donc ils veulent nier ça et ils décrivent Allah avec ses attributs avec ses négations qui impliquent qu'il n'existe pas hein? Il y en a parmi eux qui disent qu'il existe qu'il est partout. Et il y en a d'autres qui disent, il est nulle part, il est dans aucun endroit. Il est un makan. Et les deux positions, c'est les positions des Jahmiyyah, qui nient Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, le Cheikh il dit, dar, qala fi dar, dar ta'arud, bain al-aql wa al-naql, hada al-kalam fi al-asl, ay taqdim al-aql ala al-naql, huwa qawl al-jahmiyyah, al-mu'tazila, wa amthalihim, وليس من قول الأشعري وأئمة أصحابه وإنما تلقاه عن المعتزلة متأخر الأشعرية لما مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه الذين لم يكونوا يقرون بمخالفة العقل للنقل بل انتصروا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع ولهذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع وأثبت بالعقل الصفات العقلية التي تعلم بالعقل والسمع فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضا للسمع بل جعله معاضدا له وأثبت بالسمع ما عجز عن العقل ما عجز عنه العقل. Bon, ici c'est une citation qui est dans Al-Ta'arud bain al-Aql wa al-Naql d'Ibn Taymiyyah, il explique que le fait de mettre la raison devant la révélation, c'était pas la position des premiers ou des gens qui ont suivi Al-Ash'ari au début. C'est la position des Asha'ira qui sont venus par la suite qui ont amené cette position-là. Parce que cette position qu'on doit mettre la raison devant la révélation, c'est la position des Jahmiyyah et des Mu'tazila, non la position des Asha'ira. D'accord? Donc c'est pour montrer que les Asha'ira qui sont venus par la suite, ils se sont penchés, ils ont adopté beaucoup de positions des Jahmiyyah et des Mu'tazila, qui sont loin des positions même de l'imam Al-Ash'ari lui-même et des premiers parmi eux. Et ils se sont penchés vers la philosophie aussi. Ils se sont donc éloignés de la position de Al-Ash'ari et des imams des Asha'ira. Parce qu'il dit, لم يكونوا يقرون بمخالفة النقل للنقل. Tu vois, il dit que Al-Ash'ari et les imams qui étaient parmi ses compagnons, ils n'affirmaient pas ou ils ne croyaient pas qu'il y avait une contradiction entre la révélation et la raison. Ils ne croyaient pas que ça se pouvait. Et ça, c'est la réalité. Il ne peut pas y avoir de contradiction entre la raison et la révélation. بل انتصروا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع ولهذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع وأثبت بالعقل الصفات العقلية. Donc il dit que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari il a établi des preuves ou des arguments rationnels qui sont en accord avec la révélation, qui sont pas en opposition avec la révélation. C'est pour ça que al-Ash'ari il a affirmé des attributs qui sont affirmables par la révélation, et il a affirmé avec, par la raison des attributs qui sont affirmables rationnellement aussi et qui sont possibles de connaître par la révélation et par la raison. Hein? Il n'a pas فَلَمْ يُثْبِتْ بِالْعَقْلِ مَا جَعَلَهُ مُعَارِضًا لِلسَّمْعِ. Il n'a pas affirmé par la raison ce qu'il a cru être, par exemple, ou ce que certains ont mis en opposition avec la révélation. بَلْ جَعَلَهُ مُعَابَدًا لَهُ. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mis ensemble comme s'ils se complétaient les uns les autres, comme s'ils se renforçaient, un renforçait l'autre. Dans le sens que les attributs que tu peux affirmer par la raison, eh bien ça vient raffermer et confirmer qu'est-ce qui peut être prouvé par la révélation. D'accord? Comme par exemple, les attributs d'Allah, comme al-ilm, ou al-hikmah, ou al-sam' ou al-basar, et tout ça. Ça, c'est des attributs, quelqu'un peut les affirmer rationnellement. Parce que c'est logique que quelqu'un peut affirmer même l'existence de Dieu par des preuves logiques, et des preuves rationnelles. Personne ne peut nier ces preuves-là. Ça, c'est clair. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé, personne n'a créé. Personne, en dehors de lui, n'a rien créé. Toi. Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux affirmer son existence en disant, ben, c'est Allah qui a créé tout, et donc c'est lui le premier, donc c'est lui qui existe. Et s'il a tout créé, ça veut dire qu'il doit avoir une science, pour faire toutes ces choses-là. Et en même temps, il doit avoir une sagesse, et il doit avoir une volonté. Il faut donc affirmer la volonté. Et il faut donc affirmer al-sam' et al-basar. Toutes ces choses-là s'affirment de cette façon-là, tu vois, par la raison. Mais ça ne veut pas dire que, comme les gens qui sont venus par la suite, ils ont essayé de créer une opposition entre la raison et la révélation. Et c'était pas à la base, cette opposition-là, elle n'existe pas. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il affirmait qu'il a al-sam' ou al-basar, al-ilm, al-irada, al-hikma, ok, et qu'on peut l'affirmer par la raison, et qu'il fait affirmer al-yad, ou al-aynayn, ou al-yadayn, ou c'est affirmé al-istiwa, et il a affirmé al-nuzul. Donc, si on peut affirmer les premières qu'on a mentionnées par la raison, et qu'on peut pas affirmer les autres par la raison, mais ça veut pas dire qu'elles sont en opposition avec la raison, parce qu'on peut pas les affirmer par la raison. Au contraire, elles sont affirmées par la révélation. Il n'y a pas de contradiction entre ce qui a été affirmé par la révélation et ce qui a été affirmé par la raison. Mais eux, ils ont fait une opposition entre les deux, alors qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de raison de faire des oppositions. Parce que qu'est-ce que tu peux affirmer par la révélation? Il n'est pas en opposition avec la révélation. D'accord? Dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Après, le cheikh, il mentionne les paroles d'un autre imam qui s'appelle Abu Nasr al-Sajzi. Et Abu Nasr al-Sajzi, c'est un des imams Ahl Sunnah, et il a écrit un livre, justement, pour réfuter les Asha'ira. Et c'est un livre que j'ai à la maison, en fait. Il a été publié il n'y a pas longtemps, mais c'est un livre très ancien. J'ai oublié de prendre la date de naissance de l'imam al-Sajzi. Toutefois, c'est un imam qui est né, je pense, dans les années 400, si je ne me trompe pas. En tout cas, il a écrit un livre et il décrit les Asha'ira et il dit « إِذْ وَصَفَ الْأَشَاعِرَ بِأَنَّهُمْ مُتَكَلِّمُونَ وَفِرْقَ مُحْدِثَ وأنهم أشد ضررا من المعتزلة، فقال كل مدع للسنة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح بما يقوله، فإن أتى بذلك علم صدقه وقبل قوله، وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلف علم أنه محدث وزائر وأنه لا يستحق أن يصغى إليه أو يناظر في قوله. وخصومنا المتكلمون معلوم منهم أجمع اجتناب النقل والقول به، بل تمحينهم لأهله ظاهر، ونفورهم عنهم بين، وكتبهم عارية عن إسناد، بل يقولون قال الأشعري، قال ابن كلاب، قال القلانسي، قال الجبائي. ومعلوم أن القائل بما ثبت من طرق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا، بل يسمى سنيا، لا يسمى محدثا بل يسمى سنيا متبعا، وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله أنه مقتضى عقله وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توجب علما وعقله موجب للعلم ويستحق أن يسمى محدثا مبتدعا مخالفا ومن كان له أدنى تحصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفينا بتأمل هذا الفصل في أول وهلة ويعلم أن أهل السنة نحن دونهم وأن المبتدع خصومنا دوننا. انظر الرد على من كره الحرف والصوت. Ça, c'est le livre de l'imam al-Sajdi. Dans ce livre-là, donc l'imam al-Sajdi, dans son livre, la réfutation de celui qui nie les lettres et la voix. Hein, il dit, il parle des Asha'ira et ils disent que ce sont des gens de kalam, ce sont des mutakallimoun, et que c'est une secte d'innovateurs, des gens de bid'a, muhditha. Et il dit qu'ils sont plus nuisibles et qu'ils font plus de tort que les mu'tazila. Hein? Et la raison pourquoi, on va le voir plus loin, sinon je peux vous le dire maintenant tout de suite, la raison pourquoi ils font plus de tort, c'est parce que ils montrent en apparence qu'ils défendent la sunna et qu'ils sont pour la sunna et qu'ils sont contre les mu'tazila, alors qu'ils viennent avec les mêmes bid'a et les mêmes contradictions à la sunna. Donc ils sont plus nuisibles que les mu'tazila qui sont clairs et explicites dans leurs positions qui sont contraires à la sunna. Hein? Comme par exemple, les mu'tazila, ils ne tournent pas autour du pot. Ils disent non, ils disent Al-Qur'an makhlouq. Hein? Tandis que les mu'tazila, les asha'ira, ils te disent oui, Al-Qur'an, kalamullah, mais après ils te disent ولكن الكلام هو الكلام النفسي والذي نقرأ ونسمع يعني هذا مخلوق. Donc ils tournent autour du pot, ils jouent avec les mots, hein, et ils affirment une chose en apparence et ils le nient en, à l'intérieur. Donc ils sont plus dangereux que les Mu'tazila pour les gens d'Ahl al-Sunnah, et c'est pour ça qu'il dit ça. Donc il dit toute personne qui dit qu'il fait partie ou qu'il s'apparente à la Sunnah, il est obligatoire pour lui, ou c'est obligatoire qu'on lui demande des références et des textes authentiques pour prouver ce qu'il dit. N'importe qui. Hein, ça, c'est ça, qu'est-ce qu'il dit le chef, l'imam, à cette vie ici, c'est des principes qu'il nous donne, des fondements pour connaître et pour distinguer entre les gens de Bid'a et les gens de la Sunna. Donc, il dit, n'importe quelle personne qui se dit appartenir à la Sunna ou bien appartenir à la da'wah salafiyya, hein, en général, il faut qu'il amène des preuves, des références, des textes du Coran ou de la Sunna pour supporter ce qu'il prétend. Ok? S'il amène ça, ces preuves-là, on va savoir qu'il est sincère. Et on va accepter sa parole. Mais s'il n'est pas capable d'amener des textes et des références et des preuves du Coran, de la Sunna, ou bien des paroles des salafs pour défendre ce qu'il dit, alors on sait que c'est une personne d'innovation et qu'il est dévié et qu'il ne mérite même pas qu'on se tourne vers lui ou qu'on débatte quoi que ce soit avec lui, ce qui n'a pas de preuve. Et donc le cheikh il dit, et nos opposants, ceux qui font ilm al-kalam ou qui rentrent dans la philosophie ilm al-kalam, il dit on est tous au courant à leur sujet qu'ils s'éloignent des textes et des références des textes du Coran ou de la Sunna ou des paroles des salafs. Et ils ne se basent pas sur ces bases-là. Bien au contraire, c'est connu de leur part qu'ils passent les imams, alaykoum salam, c'est connu de leur part qu'ils font des épreuves, qu'ils donnent des épreuves et des difficultés aux imams de Ahl al-Sunnah, et ça c'est apparent, et qu'ils éloignent les gens des imams d'Ahl al-Sunnah, et ça c'est clair, et que leur livre n'a aucune isnad. Quand tu lis leur livre, tu ne trouves pas d'isnad, c'est-à-dire il n'y a pas de chaîne de narrateur dans leur livre. Hein? Ils disent seulement « Al-Ash'ari a dit », Ibn Kulab a dit, Al-Qalanisi a dit, ou Al-Jabba'i a dit. C'est tout. Il n'y a pas de chaîne de narrateurs qui ramène qu'est-ce qu'ils disent au salaf salih. Donc comment ils peuvent se prétendre être sunnis ou salafis puisqu'ils n'ont pas de référence, excepté ces gens-là qui ont soi-disant été des gens de ilm al-kalam ou des philosophes. Donc ils n'ont pas de référence, ils n'ont pas d'isnad. Et c'est ça la différence entre les ahl al-hadith, les gens d'ahl al-sunna et les gens de bid'a. Ils n'ont pas d'isnad. Et s'ils ont une isnad, elle arrête. Elle arrête à ces gens-là. Hein? C'est pour ça, des fois, ça me fait rire quand j'entends les Ahbash et les autres, quand ils parlent des ulama d'Ahl Sunna, ils disent, ah, vous avez pas de, comment ça s'appelle, ijaza. Vous avez pas d'ijaza. Vous avez pas d'isnad de tel ou tel chef. Hein? Donc, eux, ils pensent que le fait d'avoir des ijazat et d'avoir des asanid, soi-disant pour les livres qu'ils étudient, que ce soit le livre de l'imam muslim ou le livre de Al-Bukhari. Premièrement, on en a des isnad, on en a des ijazat. Les ulama, ils en ont des asanid, ils en ont des ijazat. Hein? Et eux, leurs ijazat, c'est avec des asanid qui ramènent jusqu'aux ulama des salaf. Hein? Tandis que les gens de bid'a, ils sont là avec leur asanid et leur ijazat. Mais quand tu regardes leur aqida qu'il enseigne, elle ne retourne même pas au salaf. Hein? C'est des aqida qu'ils enseignent, qui est inventée, qui est sortie 300 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment ils peuvent arriver avec leur isnad et dire ça y est, nous on a des isnad, on enseigne des choses en se basant sur une isnad ou quoi. Votre isnad, elle est munqati'. Votre isnad, elle est pleine de tadlis, elle est pleine de kadib, ou le kadabin, ou le mubtadi'a. C'est des isnads qui sont même pas valables, même pas acceptables. D'accord? Donc leur isnad, elle vaut rien en réalité. Ça, c'est important de bien comprendre. C'est pour ça que tu les vois, ces gens-là, ils disent, ouais, il faut suivre le madhab de tel imam. Ils te disent Shafi'iyya, ils te disent Hanafiyya, ils te disent Maliki. Puis quand tu retournes aux imams de ces mazahib, aucun d'entre eux n'était Ash'ari. Mais ils sont tous nés plusieurs années, minimum 90 ans. Ils sont tous morts minimum au moins 90 ans avant Abu al-Hassan al-Ash'ari. Hein? Et même l'imam Ahmad qui était le dernier, eh bien il était contre ces gens-là, contre Ibn Kulab et ceux qui les ont suivis. Et il les a déclarés Mubtadi'a. Et il a averti contre eux, et il a dit, ne vous asseyez pas avec eux, ne parlez pas avec eux, ne débattez pas avec eux, hein, ils prenaient pas les hadiths d'eux. Et donc ça c'est clair, qu'ils ne font pas partie de l'isnad, les gens de bid'a. Hein. Et à la base, ce sont même pas des narrateurs de hadiths. Hein. Abu al-Hassan al-Ash'ari, 40 ans, il était mu'tazili. Est-ce qu'il rapportait des hadiths? Il ne rapportait pas de hadiths. Ces gens-là, ils ne rapportent pas de hadiths. C'est pas des ulama de hadith. C'est l'aql seulement, qui se base soi-disant sur qu'est-ce qu'ils prétendent être à l'aql. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, le cheikh, il dit, ومعلوم أن القائل بما ثبت من طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسمى محدثا بل يسمى سنيا مبتدعا. Il dit, on sait très bien que la personne qui rapporte ce qui est authentique, ce qui a été rapporté d'une manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien lui on ne l'appelle pas un innovateur, on l'appelle un sunni, un muttabi'. Sunni, ça veut dire quelqu'un qui est sur la sunna, et muttabi', quelqu'un qui suit, qui est à l'ittiba', pas un muttabi', un muttabi'. Hein, ça la différence. Al-muttabi', muttabi', c'est celui qui suit, hein, tandis que le mubtadi', c'est lui qui innove, qui fait des bid'a. Donc, celui qui suit la voie et les preuves et les textes, lui il est sunni. Aujourd'hui on peut dire salafi, c'est la même chose, c'est un synonyme. Salafi, sunni, c'est un synonyme, il n'y a pas de différence. Si quelqu'un dit on n'a pas le droit de dire qu'on est salafi, alors tu dis dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit de dire qu'on est sunni? Et s'il dit oui, alors tu lui dis dans ce cas-là, on a le droit de dire qu'on est salafi. Parce que Allah dans le Coran nous ordonne de suivre les salafs. Hein? Et il nous dit qu'on doit suivre Sabil al-Mu'minin. Et il nous dit qu'on doit suivre السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم بإحسان ceux qui les ont suivis et ils disent رضي الله عنهم ورضوا عنهم donc il est satisfait d'eux et Allah est satisfait ils sont satisfaits d'eux et ils sont satisfaits d'Allah donc il faut les suivre c'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est pas une bid'a de suivre les salafs au contraire c'est obligatoire de suivre les salafs. Donc comment quelqu'un pourrait dire qu'on n'a pas le droit d'être salafi aujourd'hui, hein? Et essayer de suivre, il y en a parmi les gens aujourd'hui des hizbiyas, ils retournent à certaines citations de Cheikh Al-Fawzan ou d'autres choses qui disent il ne faut pas dire qu'on est salafi dans le sens pour vouloir se montrer fier ou se vanter. Ah bon, ça c'est vrai, on n'a pas le droit de montrer ça pour comme si tu lèves ça comme une pancarte pour dire aux gens vous êtes pourris. Et nous, on est les meilleurs. Hein? C'est la même chose avec le terme musulman. Hein? Est-ce que tu as le droit de dire « je suis musulman » dans le sens pour te dire « je suis meilleur que tout le monde » pour rabaisser les gens ou pour dire « je suis meilleur que toi parce que je suis musulman » Allah est un guidé, c'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah peut guider les autres comme il t'a guidé toi aussi. C'est pas pour, disons, pour te penser meilleur puis prendre ça comme une quelque chose qui t'élève au-dessus des autres, dans ce sens-là. Hein? Mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de dire que tu es musulman. Mais être un vrai musulman aujourd'hui, il faut spécifier qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'à l'époque des Sahaba, si tu dis « je suis musulman », tout le monde sait ce que ça veut dire. Il y a un seul islam. Tous les Sahaba sont unis sur la même aqida, la même pratique, la même croyance. Même s'ils ont peut-être des différences de jugement ou de verdict sur certaines questions, mais sur les bases, ils sont tous d'accord. Mais après eux, quand sont arrivés les Khawarij, quand sont arrivés les Qadariyah, quand sont arrivés les Shia, quand sont arrivés les Murjia, quand sont arrivés les Mu'tazila et les Jahmiya, et quand sont arrivés les autres groupes de Bid'ah, là tu peux pas juste dire « je suis musulman » puis te taire. Parce que là, il n'y a plus cette unité qui existait à l'époque des Sahaba. Maintenant, il y a la divergence et la division dans les bases et dans les fondements de la foi. Donc c'est nécessaire de te distinguer de ces gens de Bid'a. Et c'est ça ce que les salafs ont fait. Ils ont toujours amené des noms et des étiquettes sur les gens de Bid'a pour se distinguer. Pour les distinguer des gens d'Ahl Sunna et des termes aussi pour les qualifier, pour qu'ils se distinguent des gens de Bid'a eux aussi. Donc il y a eu des termes comme Ahl Sunna et Wal Jama'a par opposition à ceux qui sont contre la Sunna et qui se divisent. Et après il y a eu des termes pour dire Ahl Hadith par opposition à ceux qui se basent sur Ar-Ra'y ou Al-Aql. Hein, ils laissent tomber les textes et ils mettent leur opinion par-dessus. Et il y a eu At-Ta'ifat al-Mansura ou Al-Firqat al-Najia, qui sont des termes qui sont tous basés sur des références de hadith. Et il y a aussi eu des termes comme As-Salafiyya, qui est la même chose, la même signification. Et ce terme, cette appellation, elle est basée sur des textes du Coran et de la Sunna. Donc personne n'a le droit de la rejeter ou de la nier, ou dire qu'on ne peut pas s'appeler de ce nom-là. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont contre le manhaj en lui-même et contre les principes en lui-même. Donc on sait très bien que nous, c'est pas seulement les noms qui comptent pour nous, mais avant tout les principes qui sont derrière. Si quelqu'un se dit salafi, mais qu'il contredit les fondements de la sunna, on va dire tu n'es pas salafi. Hein? Tu dis salafi, après tu t'associes avec les khawarij, tu te dis salafi, après tu t'associes avec les soufis. Tu dis salafi, après tu t'associes avec d'autres groupes de hizbiya et de bid'a, on va dire non, c'est pas vrai, t'es pas salafi. Parce que être salafi, ça veut pas dire, c'est pas ça. D'accord? Être sunni, c'est pas ça. Hein? Donc, on clarifie des choses de cette façon. Hein? Mais bon, aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses, comme à l'époque de l'imam Ahmad. Des gens qui disent on est sunni. On est sur la voie de la sunna, Ahl Sunnah. Et alors qu'ils sont Kullabiyya, ils disent qu'ils veulent défendre la Sunnah, qu'ils veulent affirmer les attributs, alors qu'ils suivent la voie des gens de Bid'a et qu'ils nient la parole d'Allah et les choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples que l'imam As-Sajdi il veut nous faire comprendre ici. Donc si tu n'as pas de référence des textes authentiques, ça veut dire que tu n'es pas sunni. وَأَنَّ مَنْ قَالَ فِي نَفْسِهِ قَوْلًا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُقْتَضَى عَقْلِهِ أو أنه مُقْتَضَى عَقْلُهُ وأن الحديث المخالف له لا ينبغي أن يلتفت إليه. Le cheikh dit donc celui qui dit une parole de lui-même et qui croit que c'est ça ce que sa raison l'a amené à déduire comme raisonnement ou comme conclusion, et que le hadith qui est en opposition avec cette position-là qu'il a inventée, il dit qu'il ne faut pas s'en occuper de ce hadith, parce que c'est quoi? Parce que c'est des hadiths ahad, soi-disant, c'est des hadiths qui ont été rapportés par une personne ou un petit nombre, donc ça suffit pas, c'est pas quelque chose qui t'amène à la connaissance et à la certitude, donc ils le rejettent, ou bien ils disent non, on prend pas ce hadith, hein, et elle n'amène pas la science, et ce que sa raison lui fait déduire comme conclusion, ça c'est quelque chose qui amène soi-disant la science. Celui qui pense ça, il mérite d'être appelé Mubtadi'a. C'est quelqu'un qui est mukhalif, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à la Sunna. Hein? Parce que tu penses que toi, ta raison, elle amène la science, et elle amène la conviction, tandis que la révélation, elle amène pas la conviction et la certitude et la connaissance. Là, il y a un problème. Cheikh, il dit, وَمَنْ كَانَ لَهُ أَدْنَ تَحْصِيلٍ, c'est quelqu'un qui a un minimum de science et de compréhension de la religion, des bases, il est capable de distinguer entre ceux-là et ceux qui ont contredit notre voie en méditant et en observant cette différence qu'on a mentionnée là. Du premier coup, il est capable de distinguer ça. Hein? Et il sait que les gens de Ahl Sunna, c'est nous, et non pas les autres, hein, ceux qui sont en dehors de nous, et que les gens de Bid'a, ce sont nos opposants. Hein? Donc ça c'est dans son livre à la page 501 dans Ar-Rad ala man ankara al-harf wa al-sawt. C'est une réfutation des Asha'ira. Il l'appelle la réfutation pour ceux qui ont nié les lettres et la voix, c'est-à-dire à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il montre une autre citation et ça va être la dernière, on va finir avec ça. Il dit ثم بلي أهل السنة بعد هؤلاء بقوم يدعون أنهم من أهل الاتباع وضررهم أكثر من ضرر المعتزلة وغيرهم وهم أبو محمد بن كلاب وأبو العباس القلانسي وأبو الحسن الأشعري وفي وقتنا أبو بكر الباقلاني ببغداد وأبو إسحاق الإصفرائيني وأبو بكر بن فورك بخراسان، فهؤلاء يردون على المعتزلة بعض أقاويلهم ويردون على أهل الأثر أكثر مما ردوه على المعتزلة. ثم قال وكلهم أئمة ضلالة يدعون الناس إلى مخالفة السنة وترك الحديث. وبين رحمه الله وجه كونهم أشد من المعتزلة فقال إن المعتزلة قد أظهرت مذهبها أو قد أظهرت مذهبها ولم تستقف ولم تموه بل قالت إن الله بذاته في كل مكان وإنه غير مرئ أو مريء وإنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا قوة فعرف أكثر المسلمين مذهبهم وتجنبوهم وعدوهم أعداء والكلابية والأشعرية قد أظهروا الرد على المعتزلة والذب عن السنة وأهلها وقالوا بالقرآن وسائر الصفات ما ذكرنا بعضه Donc le cheikh il explique justement. Donc on va lire, on va traduire qu'est-ce qu'on vient de lire, puis ça va être, après on va s'arrêter à ça, inshallah. Le cheikh il dit, on a été éprouvé actuellement les gens d'Ahl Sunnah, il parle de son époque, par des gens qui qui prétendent être parmi les gens qui suivent la Sunna. Toutefois, le mal qu'ils amènent est plus grand que le mal des Mu'tazila et des autres sectes. Et ces gens-là sont qui? Ce sont, par exemple, Abu Muhammad ibn Kulab, Abu al-Abbas al-Qalanisi, ou Abu al-Hasan al-Ash'ari. Et à notre époque, il dit à notre époque, parce que ceux-là c'était ceux qui étaient avant lui, il a inclus Abu al-Hasan al-Ash'ari, peut-être parce que justement il parlait de sa période avant qu'il se repente. Et après il dit, à notre époque, Abu Bakr al-Baqilani à Bagdad, il était à Bagdad, et Abu Ishaq al-Isfaraini et Abu Bakr ibn Furak dans la ville de Khurasan. Il dit, ceux-là, ils réfutent, ou ils prétendent réfuter les Mu'tazila sur certaines de leurs positions. Mais ce qu'ils réfutent aux ulama d'Ahl al-Athar, les gens de Hadith, hein, c'est plus que ce qu'ils réfutent à propos des Mu'tazila. C'est-à-dire qu'ils réfutent plus les gens d'Ahl al-Sunnah que les Mu'tazila en réalité. Puis ils prétendent qu'ils réfutent les Mu'tazila. Donc il dit, puis ensuite il dit, ils sont tous des imams d'égarement. Et ils appellent les gens à contredire la Sunnah et à abandonner le Hadith. Après il dit, rahimahullah, il explique pourquoi il les considère comme étant plus durs et plus égarés que les Mu'tazila. Il dit parce que les Mu'tazila, ils ont été clairs, ils ont montré ouvertement leur position et leur aqidah et leur madhab. Ils ont dit qu'ils croyaient que Allah est partout, en lui-même, dans tout endroit, et qu'on ne peut pas le voir, et qu'il n'a pas d'ouïe, il n'a pas de vue, il n'a pas de science, il n'a pas de capacité, il n'a pas de force. Donc ils ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent « Alimun bila ilm, sami'un bila sam'a ». Il est alim, mais il n'a pas d'ilm. Il est alim, mais il n'a pas de science. Il est des contradictions. Basir, il a la vue, mais il ne voit pas. Sami', il entend, mais il n'a pas d'ouïe. Donc c'est comme ça qu'ils affirment à Allah des choses qui sont contradictoires. Et donc après il dit, à cause du fait qu'ils ont été clairs et qu'ils ont dit ça ouvertement, les gens ont connu leur aqidah. La plupart des musulmans savent que c'est des gens d'égarement, et ils les ont évités, ils les ont pris comme des ennemis, parce que c'est clair que ce qu'ils disent c'est des choses absurdes. Tandis que les Kulabiya et les Ash'ariya, ils ont montré qu'ils veulent montrer qu'ils sont contre les Mu'tazila et qu'ils défendent la Sunna et qu'ils défendent les gens de la Sunna. Puis ils disent à propos du Coran et à propos des autres attributs la même chose que qu'est-ce qu'on a mentionné de la part de ces groupes de bid'a comme les Mu'tazila et les Jahmiya. Donc c'est plus dangereux. Les Asha'ira en réalité, même s'ils disent, comme le frère a dit la dernière fois, ils sont plus près de Ahl al-Sunna. Oui, en apparence, c'est vrai, ils sont plus près d'Ahl al-Sunnah, mais leur danger est plus grand que le danger des Mu'tazila. Parce que leurs erreurs sont plus subtiles, ils sont plus cachés, et c'est plus difficile à discerner que les erreurs des Mu'tazila qui sont apparentes et claires, Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est comme par exemple, il y a beaucoup d'exemples comme ça. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera dans les autres cours, on va rajouter des exemples de ça. Donc on a vu aujourd'hui les paroles de l'imam Ahmad, et qui montrent qu'il a déclaré ces gens-là comme étant des gens de bid'ah, et on a vu les paroles de l'imam Sajdi. Et la semaine prochaine, je vais vous ramener la date exacte, quand est-ce qu'il est né et quand est-ce qu'il est mort, parce que j'ai oublié de le prendre en note. Dans le livre, comme ça si vous savez exactement la date de sa naissance et de sa mort, ça vous donne une meilleure idée de la période dans laquelle il a vécu. D'accord ? Inch'Allah, donc on s'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.